Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la publication de Refus Global en août 1948. Si vous vous donnez la peine de lire Refus Global, les premières pages, si vous avez un peu de formation historique, c'est ridicule. Mais cela importe peu, ces gens-là se sont mis en dehors de la société avec une espèce de doctrine vague qui ne comptait pas tellement. Ce qui comptait, c'était leur foi. Et ils prouvaient qu'ils avaient raison en faisant des miracles, et leur miracle, c'était leur tableau. Le médecin et homme de lettres Jacques Ferrand à l'émission Format 60 en décembre 1971, mine de rien, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Jacques Ferrand met le doigt sur un réel mystère quant à l'impact qu'a eu la publication de Refus Global en 1948. La question qu'on peut se poser, elle est double. Comment expliquer l'importance qu'a eu la publication de ce manifeste et de quelle manière la publication de Refus Global a-t-elle été significative dans l'histoire du Québec? Ce trésor est la réserve poétique, le renouvellement émotif où puiseront les siècles à venir. Il ne peut être transmis que transformé, sans quoi c'est le gauchisme. Que ceux tentés par l'aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons l'homme libéré de ses chaînes inutiles, réalisé dans l'ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l'anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. D'ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiments avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Ce refus global, évidemment, le titre l'indique, c'était une contestation globale. Le mot est à la mode aujourd'hui. Mais en 1948, ce refus global était un refus de quoi? Je dis que, en lisant le texte, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça reste dans l'esprit de refuser les conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, sur lesquelles nous avions vécu jusque-là. C'est là que se passe le refus. Et le refus des conditions proposées. Par la société à l'époque, qui consistait à chacun rentrer chez soi et faire le maximum individuellement. Chacun devait garder sa place dans la société telle quelle, chose que, d'une façon générale, on refusait. Jean-Paul Riopel, à l'émission Le sel de la semaine en 1968, juste avant, vous entendiez différents signataires du refus global lire chacun, l'un après l'autre, une partie du texte. Thérèse Renaud-Leduc, Fernand Leduc, Françoise Sullivan et Françoise Riopel sont ceux que vous avez entendus il y a un instant. Pour nous rappeler le contexte qui va conduire à la publication du refus global en 1948, pour nous parler aussi de l'importance qu'aura la publication de ce manifeste, je reçois Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec. À Québec. Anne-Marie Bouchard, bonjour. Bonjour. Revenons sur la question que suggérait directement Jacques Ferrand dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Comment expliquer qu'un recueil de textes, d'illustrations, signé par 16 artistes, à ce moment-là, plutôt émergents, comment expliquer qu'un recueil comme celui-là ait eu un tel impact? Parce que je pense qu'on peut seulement l'expliquer en disant que malgré le fait que le recueil a eu un accueil assez mitigé en 48-49, ça fait 70 ans qu'on continue à le commenter, à en proposer des relectures, à en faire des commentaires critiques. Et donc, il fait maintenant partie complètement de l'imaginaire collectif des Québécois. Mais il y a un mystère. Oui. Parce que Jacques Ferrand disait, au fond, quand on lit le texte, il disait pas n'importe quoi, mais enfin, c'est un peu ce qu'il disait. 16 artistes, encore une fois, à l'époque, ces gens-là vont devenir des monstres sacrés de la peinture au Québec, mais à l'époque, c'est des gens, à part Bordeaux, qui sont encore plutôt émergents. Oui. Pourquoi un tel impact? Bien, en fait, c'est vraiment juste parce qu'on l'a commenté sans cesse par la suite, parce qu'au moment où il est publié, je pense que la plupart des gens, et surtout les chroniqueurs des journaux, n'arrivent pas à saisir quel est l'objet qu'ils ont entre les mains, parce que c'est un objet complètement multidisciplinaire. Il n'y a pas seulement des textes à l'intérieur, il y a aussi des photographies, des reproductions d'œuvres. C'est une production d'artistes qui ne sont pas rendus tous au même endroit dans leur carrière non plus, qui n'ont pas tous la même notoriété. Et ça va faire que la réception de l'ouvrage en 48-49 est un peu mitigée parce que les gens ne savent pas comment regarder ce nouvel ovni, en fait, qui vient d'apparaître dans la culture québécoise. Donc, l'important, c'est la légende qui va suivre, finalement. Exactement, c'est la lente construction d'un mythe. Ouais. Bon, alors, essayons de comprendre un peu comment va, d'où va partir ce mythe-là, en parlant peut-être du moment où il est publié, du Québec de l'époque. À quoi ressemble, peut-être le rappeler quand même brièvement, à quoi ressemble le Québec de 1948? Bien, c'est un Québec qui est dans une situation singulière parce qu'en fait, on est dans un moment de croissance économique avec le début de la guerre en 1939, mais pendant les années 30, il y a un certain bouillonnement culturel et artistique en place au Québec. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des gens qui sont intéressés à renouveler le vocabulaire artistique, à renouveler aussi la place des arts dans la société. Mais avec la guerre, il y a toutes sortes de processus de censure ou de choses qui se mettent en place qui vont un peu freiner ce bouillonnement culturel. Et à la fin de la guerre, en fait, la censure cléricale empêche vraiment le développement des arts ou du moins va le freiner de telle sorte que je pense que pour des artistes comme Bordua qui sont plus âgés et qui avaient déjà un peu senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se transformer, ça devient insoutenable. Ouais. Et ils ont tout simplement envie de briser le carcan dans lequel ils se sentent pris. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a comme une marche. Parlez-moi un peu de ça, parce que c'est assez fascinant. Dans quel contexte on va finalement être publié Refus global? Comment, en fait, on en arrive à la publication de ce manifeste? Oui, c'est quelque chose qui se fermente lentement, en ouais. fait, ce qui est dit dans le Refus global. Parce qu'on peut dire que dès le début des années 30, il y a toute une nouvelle relation entre les arts traditionnels qui est en train d'être réfléchi à partir de 1935 à l'École du meuble. Et Bordua va enseigner dans cette institution à partir de 1937. Beaucoup de jeunes artistes... C'est déjà une petite révolution. Oui, en tant que telle. La façon dont on enseigne l'art oui. à l'École du meuble par rapport aux écoles classiques. On est clairement plus ouvert aux courants d'art moderne, en oui. fait, qui sont en provenance de l'Europe dans cette institution. Elle est vue comme étant beaucoup moins conventionnelle que l'École des beaux-arts de Montréal ou de Québec, qui sont associées vraiment plus à une pensée académique. Et donc, oui. il y a plusieurs jeunes artistes qui vont se tourner vers l'École du meuble, où on enseigne vraiment un nouveau rapport, une nouvelle relation entre les formes de l'art traditionnel, l'artisanat, les arts matériels et les grands courants de la peinture moderne et des arts modernes vont se tourner vers cette institution-là pour faire leur formation artistique. Et donc, l'école est vue comme étant pas nécessairement en concurrence avec l'École des beaux-arts de Montréal, mais il y a clairement quelque chose, en fait. Il y a comme une dissension entre les deux écoles, une dissension idéologique. Un courant nouveau qui est en train de naître, qui va se traduire par l'émergence de l'artiste, par l'organisation de toutes sortes d'expositions qui témoignent oui. de ce nouveau courant-là. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce qu'en 1939, John Lyman et Paul Émile Bordua, mais beaucoup d'autres artistes aussi vont fonder la Société d'art contemporain. Ils organisent des expositions sur l'art moderne international qui est tiré des collections montréalaises à l'Art Association. On va aussi organiser des expositions des membres de la Société d'art contemporain. En 41 à Kingston, il y a la Conférence des artistes canadiens qui souhaite repenser le rapport des artistes à la société, comment le rayonnement des artistes et comment leur reconnaissance par la société et le gouvernement peut se faire. Donc, on est dans un moment où les choses bougent déjà. Ouais. Mais il y a comme quelque chose qui coince encore et c'est peut-être ça qui va vraiment justifier la demande pour un appel d'air, en fait, qu'on retrouve ouais. dans le Refus global. Ouais. Ce qui est intéressant et méconnu, c'est que Refus global, ça, on le sait, est publié en 48, ça va devenir la légende que c'est devenu. Mais il y a, la même année, un peu plus tôt, en février 48, un autre manifeste. Ça, moi, je l'ignorais, le manifeste Prisme Dieu qui est publié. Qui était derrière ce manifeste-là, Anne-Marie Bouchard, et quel message envoyait? Comment est-ce qu'on parle les deux manifestes, en fait? Oui. En fait, Prisme Dieu est publié en 1948, en février, et il est signé par 15 personnes aussi. Il est rédigé par Jacques de Tonnancourt, mais il est plus associé à la figure d'Alfred Pellan, puisque depuis son retour de France, Pellan, en 1940, il y a eu une grande rétrospective de son travail. Il est vraiment vu comme un initiateur, en fait, quelqu'un qui va amener l'art contemporain européen le plus frais sur le territoire québécois. Donc, il est vu comme un précurseur, il est vu comme vraiment une tête de file importante du mouvement de valorisation de l'art moderne. Et donc, c'est sa figure qui va être prédominante dans le mouvement autour de Prisme Dieu. Mais c'est un manifeste qui se réclame plus d'une forme de libération, de liberté d'expression des artistes. C'est un manifeste qui est vraiment tourné vers la question artistique ouais. profondément. C'est pas nécessairement un manifeste qui a la même virulence envers la société. Au contraire, on est plus en train de faire une revendication de la possibilité pour les artistes de s'adonner à l'art pour l'art, à une il dit « peinture pure ouais. ». C'est exactement le mot qu'il utilise dans le manifeste. Et donc, on n'est pas dans une critique sociétale, on est vraiment simplement dans une volonté de remettre en cause les dernières choses ouais. qui appartiennent à l'académisme et qui bloquent le développement de la peinture. Alors que le carcan auquel s'attaque Refus global, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus social. En un mot, de fait, qu'est-ce que c'est? Si on avait à le décrire, cet objet-là, de quoi on parle quand on parle de Refus global? Bien, c'est un recueil de textes. D'abord, il y a le texte éponyme, Refus global, qui est rédigé par Paul-Émile Bordia et signé par tous les signataires, mais il y a aussi d'autres textes. Il y a un lexique, il y a des textes de Claude Gauvreau, il y a un texte de Bruno Cormier sur le développement de la peinture, il y a un texte de Françoise Sullivan qui est un texte de conférence sur l'art chorégraphique et la danse. Il y a aussi des reproductions des œuvres de la plupart des jeunes peintres automatistes. On retrouve des photos de Maurice Perron. Donc, c'est un objet qui est complètement multidisciplinaire, qui pourrait ressembler à un livre d'artiste. Mais à l'époque, la catégorie livre d'artiste n'existe pas ouais. vraiment. Et le texte principal, le texte éponyme Refus global, est une charge quand même assez virulente, mais tout à fait lyrique. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait sourire Jacques Ferron, c'est qu'il y a un lyrisme là-dedans qui fait qu'on décroche un peu, effectivement, quand on a une certaine connaissance des mouvements d'avant-garde ou de ce dont il parle historiquement. Mais c'est vraiment un objet particulier avec lequel les journalistes et les chroniqueurs vont avoir de la difficulté ouais. à travailler parce qu'il est il ressemble à rien. Ouais. Manifeste, on décide, c'est écrit, hein? C'est un manifeste. Pourquoi un manifeste? Clairement pour s'inscrire dans une lignée d'autres manifestes des avant-gardes européennes. On a souvent fait le lien entre le manifeste Refus global et les manifestes surréalistes parce que Bordua, mais aussi Riopelle ou Le Duc ont été relativement proches de la pensée surréaliste. Mais ça date de plus longtemps. En fait, dès 1909, il y a le manifeste futuriste qui est publié dans le Figaro en France. Au début des années 1910, on a les manifestes dadaïstes en Suisse, mm-hmm. en France. Donc, à chaque fois, il s'agit pour des jeunes artistes de faire une prise de parole radicale pour se mettre dans une posture, en fait, de rupture avec ce ouais. que les élites artistiques, culturelles ou sociales ont fait avant eux. Donc, c'est vraiment une façon de s'inscrire radicalement dans l'histoire et les artistes du Refus global savent très bien qu'en faisant ça, ils font la même chose. En un mot, qui ils sont, ces artistes, ces signataires? Ils sont 16 à le signer. Oui, bien, il y a Paul-Émile Bordua, évidemment. Il y a les peintres Marcel Barbeau, Pierre Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Jean-Paul Mousseau, Marcel Ferron et Fernand Leduc. Les poètes Claude Gauvreau et Thérèse Renaud, qui va devenir Thérèse Renaud-Leduc. La designer Madeleine Arbour, la chorégraphe Françoise Riopelle, l'actrice Muriel Guilbeault, Louise Renaud qui travaille parfois en danse, parfois comme éclairagiste, le psychiatre Bruno Cormier, le photographe Maurice Perron et l'artiste multidisciplinaire Françoise Sullivan. Ouais. Avec évidemment à la tête du groupe, on y revient, mais le peintre Paul-Émile Bordua, qui a enseigné à la plupart de ses signataires avant la publication du manifeste en 1948. On l'écoute, Paul-Émile Bordua, parler de son rapport à ses étudiants, justement, parler de sa conception également de l'enseignement à l'émission Causerie en 1950. L'art, pour moi, peut épouser les formes de tout être humain, quel qu'il soit, et non seulement les formes, mais aussi les pensées de tout être humain. Alors, le problème se pose pour moi de favoriser l'épanouissement des qualités natives de ceux qui viennent à moi, non pas en leur apportant des connaissances extérieures, mais en leur favorisant leur propre vie. Moi, je ne demande jamais rien à mes élèves. Je peux leur suggérer tel ou tel exercice, par exemple, tel ou tel thème. Mais l'élève devra là le faire comme il pourra. Et uniquement le mieux qu'il pourra, pas plus que le mieux qu'il pourra. Et sans aucune sorte d'aide de ma part. Et une fois que l'œuvre est faite, l'élève me l'apporte. Et un élève est par définition quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même. Hein? Quelqu'un qui se recherche. Quelle importance il va avoir, Bordua? Quel rôle il va jouer dans la publication de ce manifeste? En fait, ben, c'est le rédacteur, c'est celui qui rédige le texte principal du Refus global. Et c'est aussi le maître à penser de la plupart des jeunes artistes qui sont liés et qui vont être des signataires. Et c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui est vu comme un maître à penser parce que, justement, à la différence de ce qu'on a pu avoir comme enseignement dans d'autres écoles, son objectif n'est pas de passer des connaissances très académiques ou de faire des exercices académiques. académique très, très, très précis pour enseigner tel, tel type de compétences artistiques, mais il est vraiment perçu comme quelqu'un qui joue un rôle de libération, d'intention, de la gestuelle, de pulsion, à la limite, qui vise vraiment à créer un art qui soit détaché de toute forme de convention. Oui. Il y aura dans les signataires, à peu près, c'est quand même exceptionnel, il faut le signaler, on est en 1948, on est presque à parité homme-femme dans ceux qui vont signer ce manifeste. Parmi les femmes qui vont signer le manifeste de refus global, on trouve évidemment la peintre Marcel Ferron. On l'écoute pour enchérir un petit peu sur le rôle que va avoir Bordua dans cette aventure. On l'écoute parler de l'importance qu'aura Bordua dans la publication de refus global, de la vision aussi qu'il défend avec ce manifeste, extrait de l'émission Pour une mémoire, diffusée en 1970. C'était pas seulement une contestation sur le plan artistique, hein. C'était ça touchait à tout. Pour Bordua, l'artiste, c'était un homme comme n'importe quel homme qui a affaire à une société. Et en fait, il a fait l'analyse de cette société et il l'expliquait. Et enfin, une chose que j'aimerais dire là, c'est que souvent les artistes passent pour des fous et que, disons, à l'époque, si on se replace avec le recul du temps, on se rend compte que Bordua était beaucoup plus réaliste que M. Duplessis. Et qu'à l'époque, M. Duplessis passait pour un homme très sage et que M. Bordua passait probablement pour un illuminé, un paranoïaque. Et il a quand même perdu son emploi comme professeur à l'école du meuble. Disons que c'est une prise de conscience. Mm-hmm. Et une prise de conscience, pas seulement de la situation de l'artiste, de tout. Un artiste, c'est pas... C'est pas un homme détaché d'une société. Hein? Il fait partie de la pensée, de la forme de pensée, des problèmes économiques, de la liberté politique, de la liberté d'expression. Enfin, je dis, c'est un homme comme un autre homme. Alors, peut-être que... Enfin, en tous les cas, M. Bordua avait la conscience de toutes ces choses-là et c'est ça qu'il a manifesté. Quel objectif il a, Bordua, en publiant ce refus global, Anne-Marie Bouchard? Bien, il veut clairement dénoncer l'état d'ignorance dans lequel les élites religieuses et politiques maintiennent la population. Il souhaite libérer l'art, mais aussi le peuple d'un carcan idéologique qu'il estime être issu de la colonisation, de l'occupation du territoire. Il appelle à une ouverture au grand courant de la pensée universelle, pas seulement occidentale, pas seulement bourgeoise, mais c'est vraiment l'idée de libérer tout un peuple et tout un art de tous les carcans. Mm-hmm. Et ce que dit Marcel Ferron, c'est totalement fascinant parce que cette idée, en fait, que l'art évolue dans une sphère séparée du restant de la société, c'est quelque chose avec un problème avec lequel, selon moi, on est encore aux prises avec aujourd'hui. On a encore l'habitude de réfléchir les choses en sphères séparées, comme si les artistes ne se référaient qu'aux artistes dans leur création, alors que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Ouais. Revenons à Marcel Ferron et aux autres femmes qui vont signer ce manifeste de refus global. Je disais, on est presque à parité entre signataires hommes et femmes dans cet exercice-là. Dans les faits, quelle place elles auront, quelle importance elles joueront, les femmes signataires du refus global, dans l'aventure du refus global? Bien, c'est sûr que le fait qu'elles soient paritaires, ce n'est pas anodin. Mais quand on se met à se plonger dans la question, on se rend compte que c'est un peu cosmétique parce que, en fin de compte, elles ne participent pas à toutes les expositions de peinture quand elles sont peintres. Les expositions de peinture, juste avant la publication du refus global, les expositions automatistes sont très masculines et très picturales. Et plusieurs d'entre elles évoluent aussi dans des disciplines artistiques pour lesquelles il n'y a pas nécessairement un milieu de réception critique aussi important que pour la peinture. Je pense à la danse ou à l'art chorégraphique ou même au design ou Louise Renaud qui est entre autres éclairagiste. Donc, on évolue dans deux contextes différents, ce qui fait qu'elle semble bénéficier de l'espèce de liberté qu'il y a dans le mouvement automatiste et être inspiré, en fait, par plutôt une façon de penser et de bénéficier de ça pour leur création. Mais on remarque que leur travail n'est pas souligné de la même façon. Et même dans le vocabulaire du refus global, on reste attaché à une certaine conception de l'homme artiste, peintre. On le sent, en fait, dans la façon dont les choses sont dites. Même des points de virilité, parfois. Claude Gauvreau, dans ses textes, en particulier dans les textes polémiques après la publication du refus global, où il va vouloir essayer de défendre Paul-Émile Bordua, va constamment accuser les journalistes et les chroniqueurs d'un manque de virilité. Donc, il y a quelque chose dans le fond du vocabulaire qui est quand même... On peut pas l'ignorer. Puisque vous parlez des journalistes et chroniqueurs, donc attaquons-nous à la réaction que va susciter la publication de Refus global en août 1948. On écoute Fernand Leduc, signataire du manifeste, parler justement du contexte de la publication et de la réaction que ça va susciter à l'émission Impact animée par Robert Gisculli en 1988. C'était une plaquette au départ. Voilà. Il y a eu 200 exemplaires, si je ne m'abuse. Il y a eu 200 exemplaires. Ça ne se vendait pas au coin des rues. Non, non. C'est la librairie Tranquille qui en a eu la diffusion, si on peut dire. Et non, au fond, ce sont les journalistes qui s'en sont emparés et qui en ont fait une sorte de bombe, si vous voulez, parce que, comme le titre l'indique, Refus, ce n'est pas négatif. On est porté à croire que c'est un texte tout à fait négatif. Mais le refus peut être extrêmement positif. Il y a certaines personnes qui l'ont lu et qui ont bien voulu comprendre ce qu'ils ont voulu, mais ils ont particulièrement compris, je crois, qu'il y avait une dénonciation formelle de la collusion à l'époque entre le clergé et le politique. Et qu'il y avait là des méthodes d'obscurantisme concertées. Et nous avons voulu nous en dégager, c'était obligatoire. Tout être qui voulait s'épanouir devait s'en dégager, clandestinement ou bien au grand jour. Alors, puisque le refus global dénonce cette collusion entre le clergé et le pouvoir politique dont parle Fernand Leduc, pas étonnant, Anne-Marie Bouchard, qu'il sera très critiqué, ce texte-là, d'abord et avant tout par le clergé. Oui, mais en fait, les journalistes, eux, quand ils reçoivent le texte, puis certains ne le recevront même pas et vont tout simplement en parler dans les journaux sans l'avoir vu ou l'avoir eu entre les mains, les gens sont assez circonspects, ont un petit peu de difficulté à voir comment aborder le tout. Et je dirais que c'est plus l'acte du congédiement de Bordua fait par les autorités quelques semaines plus tard qui va vraiment donner quelque chose de concret sur lequel les journalistes vont pouvoir appuyer leur critique, parce que là, c'est vraiment son anticléricalisme qui est mis à l'avant-plan et on considère, et c'est ce que disent les autorités, que c'est inacceptable qu'une personne qui est dans une position d'enseigner à la jeunesse puisse avoir de telles positions dans une posture d'autorité. Donc, pour eux, c'est inacceptable. Mais avant ça, les journalistes vont souvent se contenter de décrire, en fait, le recueil qu'ils ont entre les mains parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas nécessairement toujours non plus les connaissances historiques pour savoir à quoi se rattache ce manifeste par rapport au manifeste antérieur. Donc, la réception est très mitigée. Oui. On boucle la boucle. On parlait d'un certain mystère autour du fait qu'un texte comme celui-là, qu'une œuvre comme celle-là, publiée, signée par 16 artistes, pas tous très connus à ce moment-là, a eu un impact comme celui qu'il a eu. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui, Anne-Marie Bouchard, un texte signé par des artistes qui ait une forme d'impact similaire? C'est certain que le monde de l'art a profondément changé et qu'il y a une forme d'institutionnalisation en fait des réseaux artistiques aujourd'hui qui fait que le contexte est complètement différent. Mais une chose est sûr, il existe actuellement des mouvements de libération de la parole, de libération de gens qui veulent se libérer de choses qu'ils ont à dire, de briser des carcans. Je pense au mouvement MeToo ou à Idle No More, qui sont des mouvements fondamentaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui sont attachés à ces mouvements-là, mais que la parole est plus large, puisque l'espace de parole s'est démocratisé et qu'avec les réseaux sociaux, tous ou toutes peuvent prendre la parole d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que ce qui aurait été un petit mouvement peut en devenir un bien plus vaste et il y a un potentiel là et c'est certain que ça va devenir des moments importants pour le développement du Québec et de l'humanité au complet. Anne-Marie Bouchard, conservatrice d'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.